assez. Assez. Assez. Assez. Et si mes envies m'ont souvent menotté, elles m'ont tant apporté des rêves à ma portée. Et je me sens libre quand j'arrête de douter. Mon ambition plantée, des fruits à récolter. Oui, oui, le monde est vaste, mon ambition n'est pas néfaste. Tout paraît grand quand t'es en bas, seul mon cœur ne me ment pas. Non, 8 vies ne suffisent pas, je serais immortel si j'avais le choix. J'aime profiter, ne te trompe pas, je ne suis qu'un homme, je suis comme toi. Éternel insatisfait, je ressens un vide qu'on ne peut combler, j'ai jamais assez. Éternel insatisfait, je suis avide d'amour à donner. Assez, assez, assez, jamais assez, assez, assez. Oh, assez, assez, assez, jamais assez, assez, assez. Et je me sens vivre dès que j'atteins mon but. Mes désirs se disputent, j'ai bien que le vice tue. Et pour ma famille, je me battrai comme une brute. Sans eux, je ne suis plus qu'un gosse qui s'est perdu. Et je viens de loin, comprends pourquoi. J'ai cette soif qui ne part pas. Jamais assez tout pour là-bas. Changer les choses avec ma voix. Et oui, je donnerai tout pour ça. Mais quand on aime, on ne compte pas. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Pendant que le temps file entre nos doigts. Éternel insatisfait, je ressens un vide qu'on ne peut combler. J'ai jamais assez. Éternel insatisfait, je suis avide d'amour à donner. Assez, assez, assez, jamais assez, assez, assez. Oh, assez, assez, assez, jamais assez, assez, assez. Éternel insatisfait, je ressens un vide qu'on ne peut combler. J'ai jamais assez. Éternel insatisfait, je suis avide d'amour à donner. Assez, assez, assez, j'en ai jamais, jamais assez, assez, assez, assez, jamais assez, assez, assez, assez, j'en ai jamais, jamais assez, j'en ai jamais assez, j'en ai jamais assez. J'en ai jamais assez, assez. J'en ai jamais assez. J'en ai jamais assez, assez.